45, tous mes gars. 45, banlieue ça, on va. Ok. Hey, sache que c'est pas pour le plaisir que certains des nôtres ont fait le choix de vivre hors de la norme. Est-ce que tu connais le bruit d'une arme ou la vue d'une lame dans la chair d'un homme? Rame vécu par une mère en poigne qui pleure un fils au bagne. L'ascenseur social est en panne donc je prends l'escalier. Je te parle, le cœur rempli d'amertume, rappé m'enlève un poids. Mais ça n'arrondit pas les fins de moi. Tellement en bas de l'échelle que je peux pas aller autre part qu'au top. Dites à la France de se méfier, car un de plus dangereux que l'eau qui dort. Venu avec nos torts, on veut repartir avec nos torts. Soir à la recette, on viole les lois comme ils l'ont fait pour la terre de nos ancêtres pendant plus de 4 siècles. J'ai côtoyé le gouffre, connu les vaches mecs. T'acquiers l'art d'encaisser les coups quand t'es de la race nègre. J'ai pas le froc mais juste la baguette baissée. La vie est moche donc y'a qu'en levrette que je peux la baiser. Si je veux garder la baguette dressée, ils s'attendent pas à ce que je glorifie qui ou quoi que ce soit moi. J'ai trop traîné tard le soir, plus trop d'histoire. Je connais le prix de la vie d'un frère et le mal que provoque sa perte de ceux qui savent de quoi je parle, la tête. J'aurais vu le monde autrement, une cuillère d'argent dans la bouche à la naissance. Mais amputé de mes rêves, j'ai dû faire près de 20 piges de convalescence. Tu piges, j'ai le regard des mauvais joueurs, capable du meilleur pourtant, coupable du pire quand mon honneur ou le bonheur des miens se joue. Tu veux négocier, paye content ou tu perds ton temps. Pas besoin de sauce mais d'associer. Poésie décorchée, témoignage poignant. À cheval entre bien et mal, ce qui me fait tenir. Mes principes d'homme noir et ma foi de croyant. Car ici bas c'est le chétal qui orchestre. Y'a pas que dans le ghetto new-yorkais tu trouves des dealers crack ou fuyards de caisse. On m'a dit donc X allemand pourvu que tu représentes. Faut que l'air fraissant qu'on est présent. Que s'ils croient qu'on plaisante, on a ce qu'il faut. Ça c'est pour mes sales gueules, des salmones à l'arconne. Banlieue art province, 45 fois trop de haine pour qu'on nous en parle. Je crois pas, je crois pas, mais rien que je pèse l'instrumental. Bâtard, si j'estime pas, tu sais qui te parle. La famille, dosé, c'est bitume mais son infamie, ça c'est pour la famille. 45, j'fume pas, j'bois pas, mais rien que j'pèse l'instrumental. Bâtard, sous-estime pas, tu sais qui te parle. La famille, dosé, c'est bitume mais son infamie, ça c'est pour la famille. 45, 45, 45, 45.